Bonjour à tous et bienvenue sur comicstories.fr pour le 42e numéro du mag daté du 29 mars 2016. Comme chaque semaine, le tour d'horizon de l'actu des comics en VF mais aussi en VO, ainsi que des adaptations télé et surtout ciné pour cette semaine. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 42e numéro du mag. Et cette semaine, configuration inédite, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux pour le mag. Arnaud. Salut. Clément. Salut. Léo. Salut. À croire qu'il se serait passé des choses ce week-end dans l'actu. À croire. On va commencer avec la télé, comme d'habitude, ça va aller super vite la télé. On aurait pu vous parler de Linda Carter dans Supergirl, du nouveau trailer pour la saison 2 de Powers, que j'ai regardé. On n'aime pas. De Jessica Jones et Kilgrave qui arrivent en Funko Pop, Léo. Quoi? Du trailer pour le final de The Walking Dead qui a été diffusé hier sur OCS et il y a deux jours sur AMC. Merci. Dans lequel il pourrait se passer des choses. Ouais, pour changer. Et j'aurais pu vous faire mon fanboy de la première heure en vous parlant des premières photos des personnages de Riverdale. Avec Archie, Jughead et tout ça. Ouais. Mais non, on n'a rien trouvé dans tout ça de suffisamment intéressant pour le développer. Et puis, il n'y a rien eu d'autre cette semaine. À moins que vous voyez, vous, quelque chose tout de suite là qui vous paraisse évident. Moi, j'ai rien trouvé dans la semaine qui... Non. Hein? Petite semaine du côté de la télé. Et c'est pas mal, parce que du coup, pour une fois, on va vraiment parler plus de comics que des adaptations. Donc. Du côté de la VF, bah, on aurait pu vous parler de rien du tout, parce que rien n'a été annoncé, à part quelques annonces de kiosques chez Panini. Mais il y a quand même deux grosses choses qui sont tombées. Les invités de Glénat pour la PCE. On a un petit artiste qui revient, qui était déjà à Angoulême, Alberto Jiménez Albuquerque, qui est sur Letter 44, qui est un excellent dessinateur, qui en plus est super sympa, qui parle français incroyablement bien. Ah bon? Ah ouais, bah parce que du coup je l'ai rencontré à Angoulême, je me suis fait dédicacer Letter 44 et pendant qu'il dessinait, on a parlé et tout en français, il a un français impeccable. Donc du coup pour les fans qui seront à la PCE qui maîtrisent pas forcément l'anglais, bah voilà, vous aurez un artiste étranger mais qui parle un français vraiment impeccable. On aura aussi Victor Santos, notamment pour Black Market et Polar, et nos petits chouchous quand même. Ah oui. Pierrick Collinet et Elsa Chartier dont la venue du coup a été officialisée par Gainard, mais on le savait déjà depuis un petit moment par eux-mêmes qu'il avait annoncé tout ça. Quatre invités pour Glénat, mais pour le moment un seul pour Panini. Voilà. Pour comparer, c'est le même nombre que Bliss Comics, qui est un éditeur qui vient juste de se lancer. Ouais, quand même. Mal, vu comme ça. Voilà. L'éditeur de Marvel, un invité. Bliss Comics, un invité. Et en plus, ça ouvre dans un peu plus de deux semaines. Et en plus, l'invité de Bliss est autrement plus prestigieux que celui de Panini. C'est qui? C'est merde. Paolo Rivera. Voilà. Ah oui, oui effectivement. C'est autre chose. Et puisqu'on est chez Bliss, parlons-en, puisque ça y est, officiellement ils existent maintenant, on peut acheter leurs titres en numérique sur Comixology. Ils ont sorti 13 titres, mais depuis mercredi 23 mars. Archer and Armstrong, tome 1, 2 et 3, Bloodshot, tome 1, 2 et 3, Harbinger, tome 1, 2 et 3, Harbinger Wars, les deux premiers tomes de Shadowman et le premier tome de XO Manowar. Tous les tomes 1 sont au prix de 99 centimes, donc pour 100 pages à peu près, entre 100 et 112 pages selon les bouquins. Et puis tous les autres sont à 5,99€, ce qui est en gros 50% moins cher que le prix du papier, à peu près. Et si vous achetez vos comics en dehors que Comixology et que vous préférez la plateforme française Isneo, sachez qu'ils font un pack promo avec tous les tomes 1, donc ce qui représente 6 comics. Ouais. 4,99€ les 6 tomes. C'est pas cher. Quand même, ouais, ça donne envie. Voilà. Donc en plus, voilà, c'est que des bonnes séries. Donc ils ont publié en gros des choses qui étaient déjà sorties par Panini. Les tomes inédits arrivent là dès le mois prochain. Pour tout ce qui est inédit qui n'était jamais sorti, le prix sera toujours de 6,99€. Que ça sorte après en librairie papier, machin ou pas, ça sera toujours 6,99€. Donc voilà, 50% moins cher que le prix d'un recueil en papier. Bien. Donc ils ont pris plutôt la bonne option. C'est ça. Et ils seront donc à la PCE avec autant d'invités que Panini, rappelons-le. Ah, j'espère pouvoir que Panini, quand même, qu'ils vont annoncer d'autres noms parce que. C'est triste. C'est un peu de la loose. Ouais, ça fait. Allez, on va passer au ciné. Du côté du ciné, on aurait pu parler de Batman v Superman, qui est sorti, qui bat presque tous les records, puisqu'Harry Potter a conservé le sien, on le sait maintenant. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est excellent. On va pas vous parler du film aujourd'hui, on vous en parlera en fin de semaine, on vous fera un débrief qui s'annonce, on peut déjà vous le dire, aussi musclé que notre débrief de Gotham saison 1. Tu veux dire si ça va saigner. Je prévois quelque chose de l'ordre de la guerre nucléaire. Ouais. On aurait pu vous parler des studios et des chaînes de télé qui menaçaient la Géorgie pour sa fameuse loi anti-LGBT. C'est pas mal que même Disney porte un peu ses couilles et... Ouais. Et s'engage pour des questions un peu comme celle-ci. Voilà. C'était un peu inattendu que ce soit Disney qui mène la marche d'une lutte comme ça. Franchement, je m'y attendais pas. Ça change tout d'un coup. Un studio qui fait enfin quelque chose de potable et pas trop. Qui a été écouté. Ouais, voilà, c'est. Enfin, ouais, c'est cool. C'est cool. Mais finalement, on a préféré vous parler de la suite de Kingsman, Arnaud. Oui, on l'attend tous. Et on a une date, ce sera le 16 juin 2017 aux États-Unis. Donc un film de plus en 2017. Oui, oui. Et en plus, au mois de juin, c'est aussi la date de sortie de Wonder Woman. Ouais, bah c'est pas grave ça. Plus ou moins en même temps. Et donc on a le titre aussi, ce sera Kingsman, The Golden Circle. Et là, le film est déplacé aux États-Unis, puisqu'on va plus suivre les Kingsman, mais les Statesman, qui est la version américaine de l'organisation. Avec comme antagoniste principal Julianne Moore, hein, et on sait que Halle Berry fera aussi une apparition. Ouais. Donc pas mal d'infos qui sont tombées. Toujours ouais. Matthew Vaughn à la réalisation. Il a confirmé qu'il rempilait, même s'il avait hésité avant d'avoir le scénario, afin que l'histoire soit complète en fait. Une fois qu'il a eu le scénario, ça l'a convaincu, surtout qu'il dit que il y aura des combats de robots, des combats avec une seule main, et apparemment une bataille avec une putain de saucisse de Francfort géante. Histoire de donner le ton tout de suite. Bah, après ce qu'on a pu voir, la scène des feux d'artifice notamment, oui, pourquoi pas une saucisse. Et il y a un concept art qui est sorti, où on voit le bâtiment des Statesman, et en fait, c'est une usine géante dont le bâtiment principal ressemble à une bouteille de whisky. Voilà. Donc moi, c'est le troll absolu envers les États-Unis. Quoi. Les Kingsman, version anglaise de cet agent de super-héros, c'est leur couverture, c'est une enseigne de prêt-à-porter de luxe masculin, très classe, très british et tout. Mmh. Et la version américaine, bah, c'est une distillerie de whisky. Moi, je trouve que ça troll plutôt fantastique. C'est assez bien vu. Et puis Julianne Moore en méchante, badass, ça peut être que sympa. Surtout si... Bah ouais, carrément. Julianne Moore, Halle Berry en plus qui ferait son petit caméo pour sa troisième adaptation de comics. Donc, c'est pas mal. Plus glorieuse. Dans une qu'on oublie. Voilà, bah, elle pourra peut-être la faire oublier justement là. Ça sera l'occasion. En même temps, X-Men... Non, X-Men ça va, c'est plutôt pour l'autre là. C'est pas glorieux. Plus prononcer le nom. L'autre, oui, non mais voilà. Qui est même pire que celle de Gotham, faut l'avouer. Mais alors qu'il y a du niveau... C'est déjà pas mal, tu vois. Tu notes, Léo, que là, on a eu... Ah ouais, là, c'est... Belle concession. Enfin, il y a de l'espoir, dans ce moment. Je peux être réaliste. Il y a pire que Gotham. Surtout dans Gotham, c'est pas vraiment Catwoman. Oui. C'est juste... Une identité. Voilà, c'est juste une gamine qui aime les chats, quoi. Et en plus, je sais pas si t'as remarqué, Léo, chaque scène où elle va apparaître, on sait qu'elle va apparaître parce qu'on entend un chat miauler un petit peu avant. Dans ah, la... sérieux? Il y a toujours, avant chaque apparition de Wonder Woman, de Catwoman dans la série, sauf quand ça se passe, quand elle va s'introduire dans le manoir Wayne, mais sinon, il y a toujours un chat qui passe dans la rue, qui renverse un truc, qui miaule, enfin voilà. Et après, on la voit. Subtilité. Et Bruce, il aime les chats ou pas? Ah, il faudra. Facile, Clément. Il faudra demander à Célina. Ça aussi, c'est aussi. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, on peut demander qu'à Célina. Ça, oui. Je vais vous dire quand même deux mots de Code 8, même si vous ne l'avez pas vu. Code 8, c'est un court-métrage pour le moment, coproduit entre autres par les cousins Amel, Stéphane et Robbie, dans lequel Robbie joue le rôle titre, qui a été dévoilé la fin de semaine dernière. Visible partout, hein, sur YouTube notamment, voilà, il y a une dizaine de minutes. Ça se passe dans un monde un peu dystopique et encore, avec plein de gens avec des pouvoirs, qui sont un peu plus ou moins traqués par la police, qui est équipée de drones, tout ça. C'est un monde assez futuriste. Ils ont des droïdes aussi, enfin des robots qui servent aussi à la traque. Et bah forcément, les choses se barrent en couilles, machin, tout ça. C'est assez intéressant. Au niveau des effets spéciaux, c'est plutôt bien réussi. Enfin, pour un court métrage sans budget, voilà, c'est en dehors du fric des cousins même. Voilà, c'est plutôt solide. Ils ont fait financer sur Indiegogo, ils ont lancé une campagne pour que ça devienne un long métrage. Qui a été, ils avaient demandé 200 000 dollars, ce qui est quand même pas pour un long métrage. Énorme. Ouais, c'est pas grand chose, hein. Et ils les ont eu largement, donc a priori Codate deviendrait un long métrage. Ils ont le financement pour, en tout cas. Donc, voilà, moi je vous conseille d'aller jeter un petit œil là-dessus quand vous avez 10 minutes, parce que franchement, c'est plutôt sympa. Robbie Amell, plutôt pas mauvais dedans. Les effets spéciaux, c'est ça qui m'a surpris, en fait. C'est vraiment les effets spéciaux qui fonctionnent. Ah, je croyais que c'était la performance de Robbie Amell qui t'avait surpris. Aussi, mais je pense que dans un projet comme ça, où il est moins guidé que sur la CW, où il faut qu'il rentre dans un cadre assez précis, etc., ça ne m'étonne pas qu'il soit bon, au final. Donc voilà, allez jeter un œil si vous avez 10 minutes, c'est sympa. Et puis bah, du coup, ça deviendra sans doute prochainement un long métrage. Voilà ce qu'on avait à dire pour le ciné. Vous vous en doutez, hein, on garde un peu de temps, on va un peu vite sur les trois premières parties, parce que le gros arrive, c'est les comics VO. On aurait pu vous parler de Marvel qui tease la mort d'un X-Man, mais franchement, à côté du reste, c'est de la merde. On s'en fout. Ça va être un four, ce truc. Au final, ce sera rien. Un X-Man dont personne n'a entendu parler. Hop, on verra. Mais franchement, oui, enfin... Rien à foutre. On s'en tape, mais carrément, quoi. On a encore un teaser de plus, j'ai envie de dire, quoi. C'est ça. Mais quand même, il y a eu le gros morceau du week-end, on peut pas passer à côté, c'est... de ça qu'on va vous parler le plus cette semaine, notre grosse partie sera là-dessus. DC qui a, ça y est, dévoilé le programme pour DC Rebirth qui va se lancer à partir du 25 mai. Déjà on peut parler de la forme de leur communication. Ouais. Clément, c'était quand même plutôt cool. Ouais, c'était, ils ont vraiment voulu faire ça à je dirais bien la Marvel, quoi. Enfin, ils ont vraiment ils ont créé un événement. C'était vraiment un événement, c'était vraiment chronométré, il y avait des espèces d'happening. C'était je m'attendais pas à ça, et si j'ai bien compris, c'était la première fois Ah bah le meilleur happening, c'était comme un poil qui sortait de l'aquarium. C'était si j'ai bien compris, c'est la première fois qu'ils le diffusaient en direct. C'est la première fois qu'un panel d'ici en convention était diffusé en direct. Ouais. Comme ça, il y a vraiment rien à redire, quoi. Il y a rien qu'à capoter. C'est, puis il y a eu des surprises surtout. Et la technique a marché, quoi. Ouais, ça a vraiment marché. Donc du coup, ils ont diffusé quelque chose au monde entier, via YouTube notamment, de manière gratuite, parce que certaines conventions diffusent leurs panels, mais pas gratuitement. Bah voilà, c'était accessible à tous. Tout le monde avait rendez-vous samedi à 17h, pour s'apercevoir qu'il y avait un compte à rebours de 30 minutes supplémentaires. Ouais. Avec une petite musique. Ouais, qui faisait légèrement penser à Star Wars. Donc DC qui diffuse une musique, à mon avis, tirée de Star Wars. Hein. J'en suis quasiment sûr. Hein. Soit d'un jeu vidéo ou d'un animé ou je sais pas quoi. Mais on a vraiment le thème. Voilà. Donc c'était plutôt mignon de voir DC diffuser du Star Wars. Et puis après, petite vidéo. Ah, très classe. Ouais, hyper sobre, hyper classe, avec tous les personnages iconiques, mais dans leur version historique, Golden Age et compagnie. C'est vraiment une sorte de rétrospective. Et ils ont posé, en fait, un terme qui est beaucoup ressorti durant ce panel-là et dès la vidéo. C'est clairement ce qui a été montré, c'était vraiment Legacy. Ah, carrément. Vraiment l'héritage. C'était hyper flagrant. Ils l'ont dit eux-mêmes, c'est Dan Didio, c'est ça son nom, le co-éditeur, je crois. Il y avait Dan Didio, Jim Lee et Geoff Johns. Et Geoff Johns, donc un peu c'est les trois pontes de DC. Les trois boss, quoi. Et ce qu'avait dit Dan Didio, c'était en gros, on avait fait les New 52, mais il nous manquait quelque chose. Et ce qui est ressorti dès le début. Bah ouais, des bons comics. Ouais, ouais, voilà. Et ce qui est ressorti. Surtout dès la vidéo, c'était ils voulaient vraiment retourner aux bases et à l'héritage. C'est ça. Donc une vidéo qui en plus c'est intéressant, commençait dès les années 30-40 avec les premières images très iconiques de Superman, de Batman et compagnie, qui remontaient un peu toutes les décennies. Hein, on a vu notamment le Wonder Woman de Perez et tout, et qui s'arrêtait au tout début des New 52. C'est ça. on avait quasiment aucune image de ce qui s'est passé à la New 52. Comme si ces 5 ans étaient passés sous le tapis, même dans cette vidéo. C'est pas faux. Et puis après, bah voilà, on a eu le fameux accueil avec les trois personnes, et puis la présentatrice du DC All Access, l'émission hebdomadaire sur YouTube. Et puis après, bah, tout ce petit monde a accueilli par groupe les équipes créatives, et c'est ça qui nous intéresse, ouais. Les équipes créatives. Avant de commencer dedans, Dindidio a confirmé le prix de 2,99$ pour tous les titres. Alors ça... Voilà, avec pour objectif de vendre plus de comics à plus de monde. Voilà. On va commencer avec le détail des séries, et puis de ce qu'on sait sur les séries et de ce qu'on sait des équipes créatives. Je vous propose de prendre chronologiquement. Ouais. Hein, d'abord ce qui va sortir en juin, puis en juillet, en août, etc. Oui, en mai déjà. Bah tiens, si tu veux commencer, Arnaud, du coup, avec mai. Le 25 mai, on aura DC Rebirth numéro 1 pour présenter l'univers, enfin ce nouvel univers. Alors, j'ai pas trop compris parce qu'ils ont dit que c'était pas réellement un reboot. Ouais. Non, c'est pas un reboot. Donc, on sait pas un reboot. Ce qui s'est passé existe encore, mais il va se passer des choses dans ce Rebirth numéro 1 qui va remodeler l'univers. Mais ce sera pas un reboot. Non. Et donc, le 25 mai, on aura ce one-shot DC Rebirth, scénarisé par Geoff Jones et dessiné par Ethan Van Shiver, Ivan Reis, Gary Frank et Phil Jimenez. Et qui sera vendu à 2,99$. Pour 80 pages d'histoire. En plus. Voilà. Donc un demi-TPB pour 2,99$. C'est à prendre. Voilà. Et en plus, dessiné par 4... Ouais. Van Siver, Rice, Frank et Jimenez. Ouh là là. Rien que de voir cette couverture de Gary Frank. Ouais. Elle est incroyable. Allez, alors, super. À qui appartient cette main? Bonne cette question. Main Pandora dit... Peut-être. Peut-être, va savoir. Ça serait joli. Ouais, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Ou alors un personnage du pré-New 52. Peut-être. Un nouveau truc. Hein. Ou un nouveau dieu. Un nouveau dieu, voilà. Peut-être. On saura donc le 25 mai de toute façon. Hein, mais en tout cas, voilà, une cover qui fait plutôt envie avec des personnages assez intéressants. Et on voit déjà le Green Arrow avec son bouc. Enfin, une barbe en tout cas dans le bas. Bref. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et à partir du mois de juin, on va avoir donc quelques séries qui vont se lancer avec un numéro Rebirth et un numéro 1. Qui veut commencer pour le mois de juin? Moi, si tu veux. Eh bien, vas-y. Donc, on retrouve un titre Aquaman. Oui, évidemment. Évidemment. Donc, au scénario, on a Dan Abnett et... Brad Walker. Brad Walker. Et donc, en artiste, on aura Brad Walker aussi. Jesus Merino et Phil Briones. Ouais. Et donc, on a déjà des premières images, naturellement. Donc, je crois pas qu'il y ait grand chose vraiment qui change en termes de look. Non, le look est assez fidèle. Y a pas grand chose qui change. Après, c'est l'histoire qui. Ouais, c'est l'histoire qui est osée. Donc, en fait, dans le premier arc, Aquaman aura en tête de faire que l'Atlantide devienne une partie du monde, donc ce qui va naturellement ni convaincre les Atlantes et ni convaincre les habitants de la surface. Et donc également, Abnett et Jones ont indiqué qu'ils travaillaient ensemble sur l'histoire de Rise of the Seven Seas, donc teasée depuis longtemps par Geoff Jones. Depuis presque le premier arc des New 52, Arnaud, depuis toi qui... 2012, ouais. Ouais. Donc voilà, on sait que Black Manta va revenir. Ouais. Depuis la fin du run de Geoff Jones. Donc bah voilà, peut-être qu'enfin on va avoir ça, quoi. Mais Geoff Jones avait teasé il y a plusieurs mois qu'il est en train de bosser dessus. Là il est toujours en train, visiblement. Il y pense. Il y c'est pense. Aquaman, bimensuel. Numéro 1, le 22 juin, et puis le numéro Rebirth, le 8, donc 2 semaines avant. D'accord. Autre série bimensuelle, gros morceau. Ouais, gros morceau. Batman. Et alors là, on a eu confirmation d'une rumeur, puisqu'on aura bien Tom King en scénariste. Et les artistes, je pense que c'est là où il y a eu la plus grosse surprise, on va dire. L'une des grosses surprises, et on aura David Finch et je sais pas comment ça se dit, Michael Ranin. Michael Ranin, ouais. Voilà, et donc... Tom King, quoi, juste déjà. Voilà. Tyson, ou David Finch, moi, ça me... voilà, vu ce qu'il a fait récemment sur Wonder Woman, je suis pas forcément ravi de le voir arriver sur Batman. J'ai pas lu Wonder Woman, mais ce qu'il avait fait avant. Il avait déjà bossé sur Batman, c'est ouais. Tout pas mal. Bah ouais, mais il s'est passé quelques années depuis. Et... Non, ouais, non, mais. Bon. Et bah, après, là, on sait pas, enfin, on sait rien sur le premier arc. On sait juste bah, l'allure de Batman. Bah, Bon, ça enfin, change. en noir avec une chauve-souris. Voilà. C'est classique, Pas quoi. faire Le logo grand-chose. change. Le logo change. Nouveau logo pour Batman. Ouais, c'est vrai, la chauve-souris est Et un j'ai peu l'impression moderne. qu'on retourne à un costume un peu plus classique. Un peu plus sabre là, mais. Ouais, ça fait moins mieux. Ouais, c'est Bah, moins c'est mieux. sûr, ça fait moins un mur que Gordon. C'est ça. C'est totalement différent. On retourne vraiment à. Gordon Ouais. a retrouvé ses cheveux. Oui, Sa quelque chose de sa moustache. moustache. Alors donc, pourquoi pas? Voilà. Et donc, après, et là, c'est vraiment un truc qui m'intrigue d'après ce que. Ah bah ouais, Joshua Williamson, là, il a frappé fort. Là, il frappe très fort. Et alors, honnêtement, ça peut être. Ça promet vraiment. Franchement, je suis vraiment curieux. Donc, comme là, tu l'as dit, Mathieu, au scénariste de Flash qui sera bimensuel, on aura Joshua Williamson. En artiste, on aura Carmine Di Giandomenico et Neil Gugg. Alors, il faut quand même souligner que Joshua Williamson n'a pas été foutu de prononcer le nom de son artiste C'est pas faux. Sérieux? pendant le panel. C'est pas Il a faux. savonné un truc de dingue et il n'a pas réussi à le dire. Il s'est planté. Comme le mec qui bosse avec lui tous les jours. C'est ça. Et donc, bah déjà, on a les premiers dessins et ça a l'air très beau, ça a l'air très cool. Mais alors là où ce qui est le plus intrigant et le très prometteur, ça va être au niveau de l'histoire. Oui. Ça a été vraiment moi, j'ai été très surpris. Bon, il y a eu d'autres trucs, what the Il y fuck, a hein. deux ou trois surprises quand même. Il y a vraiment des grosses surprises, mais celle-là, c'est clairement l'une des meilleures surprises. Donc l'histoire, eh ben, une tempête de Speed Force va frapper Central City et ça va créer des dizaines de nouveaux speedsters. Et donc Barry Allen, face à ça, aura la tâche de former et de apprendre à gérer des nouvelles capacités. Mais forcément, tout le monde ne va pas vouloir devenir super-héros ou être bon, puisqu'on aura un bad guy, donc un speedster qui va devenir un assassin et se nommera Godspeed. Ouais. Voilà. Avec un look qui a déjà été dévoilé, tout Et fait plutôt sympa. de blanc et doré. C'est Voilà. plutôt et c'est C'est voilà, magnifique. c'est plutôt les dessins sont magnifiques et c'est vraiment l'un des titres pour le coup qui. Moi, j'aime bien les deux covers qui ont été dévoilés. Ouais, j'aime bien aussi et j'aime bien la gueule de Godspeed. Voilà. Et puis, à Oui. noter, le petit Wally West en Wally bas à droite avec son costume de West. Kid Flash. Ça va être très intéressant, je pense, si C'est c'est pas bien mal, fait. ouais, comme idée. Pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, juin, c'est le mois des gros morceaux. C'est pour ça qu'on s'attarde un peu plus sur juin. Après, on ira un peu plus vite sur les autres mois parce Ouais. que voilà. On Il y en a va peut-être encore. laisser souffler Clément. Est-ce que Arnaud, tu veux bien nous dire deux mots de la suivante? Oui, c'est Green Arrow qui sera bimensuel également. Et comme tu l'as dit déjà, retour de la barbe. Eh oui, Donc, le book, ça y est. retour du book. Et c'est donc le scénariste qu'il a choisi, Ben Percy. Et il sera accompagné au dessin de Otto Schmidt et Juan Ferreira. Donc, la chose marquante, comme on vient de le dire, c'est le retour du book. On connaît rien de l'histoire, en dehors que Green Arrow va enfin à la rencontre de Black Canary. Voilà. Ça fait des années qu'il ne l'a pas rencontré. Ça y est, il est peut-être temps là. Premier numéro le 15 juin et numéro Rebirth 15 jours avant, comme d'habitude, le premier. Voilà, pas grande info sur Green Arrow pour le moment. Et puis après, on a Arnaud. Green Lanterns, Eh avec un oui. S à la fin. Ah oui, exact. Très attention, le S. Et donc, il est aussi bimensuel, comme toutes les grosses séries de DC, avec Sam Humphries au scénario, Robson Rocha et Ardian Sayeth pour les dessins. Donc, bah, pareil, le numéro 1 le 15 juin et le numéro Rebirth le 1er. Et donc, on va se concentrer sur les deux nouveaux Green Lantern qui vont s'occuper du secteur de la Terre, c'est-à-dire Jessica Cruz et Simon Baz. Retour de Simon Retour de Baz. On Simon l'avait pas Baz. vu depuis je sais pas quand, et ils nous le ressortent. Oui, donc dans cette première histoire qui s'appelle Red Dawn, ça va surtout tourner autour du courage pour surmonter la peur. Et les ennemis des Green Lanternes, ce seront les Red Lanterns avec Atrocitus et Bliss. Voilà. Donc on se dirige peut-être vers un retour un peu aux fondamentaux pour Green Lantern aussi, avec les Red Lantern en adversaire. Pourquoi pas? Ouais, ça. C'est un moyen de faire. Voilà. Au mois de juin aussi, Superman. Et alors là, Superman, Peter Tomasi et Patrick Gleason qui se Grosse retrouvent surprise. après leur passage magnifique sur Batman et Robin. Ils vont être accompagnés de Doom Monkey, parce qu'il faut quand même deux dessinateurs, hein, c'est une série bimensuelle. Numéro 1 le 15, numéro Rebirth le 1er juin. Alors, pas d'informations hein, sur l'histoire pour le moment, mais voilà, juste le duo. Ça fait rêver. Les premières planches, magnifique. D'après le costume, ce serait bien le Superman pré-New 52, ouais. qui serait au centre de l'histoire, avec, il semblerait, Lois et Jonathan également de la partie, donc voilà, confirmation du côté pré-New 52 avec ces deux personnages. On a un dessin avec le Lex Luthor en super suit. Donc c'est ce qui va arriver dans le Justice League 50, je crois aussi. Donc voilà, retour à l'ancien Superman et surtout voilà un super duo. Ouais, c'est surtout ça. Et Superman en a besoin. Autre événement, Wonder Woman, avec le retour à la maison de Greg Rucka qui va reprendre Wonder Woman. Au niveau du scénario, il va faire un retour, hein, parce qu'il était déjà passé sur la série. Il va être accompagné de Liam Sharp et de Nicolas Scott au dessin. Alors lui, il a été très détaillé dans ce qu'il va faire. Il a déjà dit, il y aura deux histoires qui seront à la fois distinctes, mais liées entre elles. Donc comme c'est un titre bimensuel, les personnes qui veulent ne suivre qu'une histoire pourraient le faire. Ça, c'est bien, ça. Et il indique déjà que voilà, c'est une dans les numéros pairs et l'autre dans les numéros impairs. Les numéros impairs, ce sera Wonder Woman The Lies, qui se déroule dans le présent, qui sera illustré par Liam Sharp, et qui, vu son titre, voilà, va sûrement nous révéler des choses. La seconde histoire, elle sera dessinée par Nicolas Scott, qu'on avait vu au tout début sur Earth 2. Qui est très bon. Exactement. Et qui travaille aussi avec Greg Rucka sur Black Magic chez Image. Et l'histoire s'intitulera Wonder Woman Your One, tout simplement. Elle se déroulera 10 ans dans le passé de l'univers d'ici. Voilà. Et donc les deux histoires sont indépendantes mais vont quand même se rapprocher et se relier à un moment, voilà, pour avoir quelque chose en commun. Du moment qu'ils nous font pas une Green Arrow, enfin une Arrow avec Lille. C'est ça. Voilà. Tiens Clément, puisque tu parlais avant que je m'étouffe, Action Comics. Oui, et donc là, on l'avait déjà dit il y a plusieurs semaines, donc Action Comics bimensuel relancé au numéro 957. Donc sera scénarisé par Dan Jorgens et en artiste on aura Patrick Zirker, Tyler Kirkham et Steven Segovia. Numéro 957 le 8 juin. Oui, le 8 juin. Pas numéro 1, cherchez pas un Action Comics numéro 1, il y en aura pas. Je sais pas ce qu'on peut dire. Déjà ce qui est intéressant c'est que Dan Jorgens a fait remarquer lors du panel que la série Action Comics sera la première à atteindre le numéro 1000. La première série comics même de l'histoire à atteindre ce numéro. Ouais. Et autant dire que ça sera un événement. Ouais. Et puis quelques mois après, ce sera autour de Detective Comics. Donc ouais, ça va être des numéros historiques. Je sais pas si on... Je suis en train de dire parce que je découvre... En gros... L'histoire, elle va suivre directement ce qu'on lit en ce moment dans Superman, Lois and Clark, la mini-série. D'accord. Qui est écrite par Dan Jurgens, qui est génial. Donc en gros, Superman, Lois et Jonathan vont revenir à Metropolis, entre autres, à cause du fait que Lex Luthor se soit auto-proclamé Superman de la ville. Lex Luthor, voilà, quoi. A priori, ça plaît pas trop à Clark, hein, qui, même si Lex a fait partie de la Justice League et tout, voilà. Ah oui, c'est vrai. Ne fait toujours pas confiance à Luthor, donc du coup, il va quand même revenir voir ce qui se passe, voilà. Mais il y aura pas que ça, parce qu'on sait que la première histoire s'appellera Path of Doom, qui mettra en scène Doomsday. Voilà. Prenez le passé qu'ont les deux personnages. Qui mettra à la fois en scène Doomsday, mais aussi un personnage nommé Clark Kent. Oh, bah dis. Qui n'est pas Superman. Enfin, qui n'est pas le Superman qu'on va suivre. Donc, est-ce que ce serait le Superman actuel qui aurait perdu ses pouvoirs et qui ne serait plus que Clark Kent ou autre chose? Peut-être. Ça peut être intéressant. Voilà, ça va être révélé dans cette histoire-là. Première histoire d'Action Comics. Voilà. D'ailleurs, le numéro 1000 tomberait en 2018, dans 2 ans à peu près, ce qui serait l'année des 80 ans du personnage. Ah ouais. Ah, c'est bien, quoi. C'est ça le gros événement. Là. Donc, avoir un numéro 1000 pile l'année des 80 ans, je trouve ça quand même assez cool. Au niveau des dessins, c'est chouette. Hein. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup la cover. Et puis, l'autre numéro historique, c'est Detective Comics, qui est relancé, lui, au numéro 934. Et la grande nouvelle, qui pour moi est une bonne nouvelle, c'est pas Scott Snyder, contrairement aux rumeurs, qui prend en main ce titre. C'est James Tynion IV. Donc, certes, c'est un protégé, un élève de Snyder, mais quand même... C'est une surprise. C'est vraiment une surprise. Ouais. avec Eddie Barros et Alvaro Martinez au dessin. Il redémarre en numéro 934 le 8 juin. Donc il va prendre les commandes d'un nouveau Détective Comics. Et là, je pense que c'est ce qui a fait le plus plaisir à Arnaud. Ouais. Puisque le titre va devenir collégial avec une équipe de super-héros. Et à la tête de cette équipe, on aura Batman et Batwoman. Youpi. Une sorte de Batwoman qui était née dans les pages de Detective Comics, qui du coup y revient à la tête d'une équipe, voilà, partage la tête de l'équipe avec Batman. Et on aura également dans cette équipe, spoiler, Tim Drake, Cassandra Cain et Clayface. Alors ça. Et Clayface. Mmh. Belle équipe. Petite originalité avec Clayface, qui du coup était plutôt né comme étant un super vilain, mais bon, parmi tous les vilains de l'univers Batman, c'est peut-être quand même celui qui a le meilleur fond. Ouais. Parce que ses raisons sont toujours assez touchantes. Moi, je suis juste... est souvent manipulé. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que pas très malin, quoi. Ouais. Faut dire ce qu'il y a, quoi. C'est pas. Il n'est pas brillant, quoi. Moi, ce qui me fait plaisir, oui, Batwoman, évidemment, mais Tim Drake. Ouais, Tim Drake, qui était combien de temps ça fait qu'on n'a pas vu Tim Drake dans une bonne histoire chez... Enfin, on ne sait pas encore si ça sera bon, mais... Ouais, non, déjà... ça a été surprenant, parce que les... Déjà, de le voir revenir vraiment, c'est... Voilà. Parce que Tim Drake, il était... Attends, c'était Red Robin. Bah, ça a été une des grosses victimes du New 52, quoi. Ouais, c'est ça, hein, c'était... C'est le costume de Robin. Ouais. Là, il a un costume de Robin, ouais. Je viens de voir, mais ouais, c'était Red Robin, et il était complètement au second plan. Et, ouais. Et là, il retrouve un costume de Robin, vert et rouge et tout. Voilà, c'est, ouais, costume c'est... hyper classique de Robin. Mais c'est étonnant parce qu'il y aura aussi Damien en Robin. Ouais, mais. C'est pas grave. Pour en avoir plusieurs. Après tout. Voilà pour les gros morceaux du mois de juin. Après, on a d'autres séries qui sortent en juillet, août et septembre. En juillet, on a Hal Jordan and the Green Lantern Corps par Robert Venditti, Ethan Van Siver et Rafa Sandoval. Voilà, Guy Garner, Jon Stewart, voilà. Sinestro en méchant, enfin, du Green Lantern classique. Merci. Tiens, Léo, tiens, allez, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Est-ce que tu veux nous parler de Justice League ? Justice League, un nouveau bimensuel en juillet, scénarisé par Brian Hitch, dessiné par Fernando Passarin et Tony S. Daniel. Alors, on devrait toujours te faire prononcer les noms des artistes espagnols. C'est les origines qui ressortent. Quelle classe. Nouveau run du coup de Justice League avec un Rebirth qui commencera, enfin le numéro 1 le 6 juillet et le Justice League numéro 1 deux semaines plus tard le 20. Ouais. Et ce qu'on en voit donc c'est que on aura une équipe avec les grands classiques, les grands membres de base quoi, hein, Superman, Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman, Flash, mais avec l'ajout de deux Green Lantern qui seraient Jessica Cruz et Simon Bass. Le fameux Simon Bass qui décidément, après avoir été nulle part depuis sa création il y a 3 ans, maintenant il est partout. C'est tout, rien. Ouais. Et là, Tony Daniel, l'un des deux artistes, aurait déclaré donc que ces deux lanternes seraient des bleus, enfin seraient des novices quoi, et qui vont goûter aux joies de la Justice League et de ces événements toujours plus chaotiques et cataclysmiques. Voilà donc voilà les bleus, premier pas dans la Justice League. Pourquoi pas? Bah écoute, ils vont apprendre la vie dure direct, ça fait sympa. Bah voilà. Après au niveau cover, bon la couverture qu'on a vue, bon, classique. Pas très inspiré. Normal. Ouais, non voilà. On n'a pas l'impression qu'ils aient envie de nous convaincre que ça va être énorme quoi. C'est juste on vous présente les mains, qu'on vous montre leur gueule et voilà. Superman, Batman, au-dessus des autres. Succès quoi. Voilà. Bon. Justice League a toujours un petit succès de toute façon. Bon. Oui voilà, je pense que c'est pas la série qui marchera le moins. Allez, celle-ci, on te la laisse, Arnaud. C'est un autre titre mensuel. C'est enfin le retour de Nightwing. Et après Grayson, après que tout le monde ait découvert qu'il était Nightwing, il était devenu Grayson. Et donc, cette suite, Nightwing fera suite à Grayson. Et ce sera scénarisé par Tim Seeley, dessiné par Ravi Fernandez et Marcus Tau. Avec donc le 13 juillet le Rebirth 1 et le 27 Nightwing 1. Et donc surtout la grosse nouvelle, c'est le retour du costume bleu et plus le logo rouge qu'on a eu dans les New 52, c'est le retour du bleu sur son costume et ça fait sacrément plaisir. Oh oui. Bah, c'est tellement plus beau, quoi. Mais oui, ouais, complètement. C'est tellement plus classe, la cover qui a été dévoilée est tellement magnifique. La cover du numéro Rebirth, ouais, qui est le gros plan sous la pluie et tout, ouais, ouais, ouais. Les images claquent, hein, vraiment. Ouais. Et donc, on a appris qu'il va avoir un nouveau mentor, qui s'appelle Raptor. Et la première histoire a un titre provocateur, qui s'appelle Better Than Batman. Voilà. Qui a déclenché une certaine réaction. Je ne sais pas si tu te rappelles, Clément, quand il l'a annoncé pendant le panel, la fameuse Better Than Batman. Ça a déclenché à la fois quelques rires et quelques applaudissements. Enfin voilà, les gens étaient. Ah, plutôt... j'ai pas fait attention. Les gens étaient super intrigués par ce titre et plutôt emballés. Donc, qui est-ce qui est Better Than Batman ? Est-ce que c'est Nightwing ou est-ce que c'est son nouveau mentor qui va remplacer Batman du coup ? Ah ouais. Surtout qui est Raptor. Et qui est Raptor ? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou un nouveau personnage ? On le voit dans l'ombre sur la couverture du Nightwing numéro 1. On voit juste sa tête au fond. Voilà, bah écoutez, Nightwing, retour au bleu. Cool. Est-ce que ça va être aussi cool, Batgirl ? Dessiné par Raphaël Albuquerque, ça peut valoir le coup. Scénarisé par Rob Larson. La première, parmi toutes les séries dont on vous a parlé depuis le début, c'est la première qui est annoncée comme étant mensuelle. Oui. C'est la première. Ouais, tout le reste, dans tout ce dont on a parlé depuis le début, c'est que du bimensuel. Et Batgirl numéro 1, le 13 juillet, donc après ça sera au mois d'août pour le numéro 2. Hope Larson, donc, il va faire sortir Batgirl de Burnside, il était temps. Sauf qu'elle va l'emmener jusqu'en Asie cette fois. Elle va faire un espèce de road trip avec sac à dos, qui va plutôt lui servir de mission d'entraînement et qui va servir à la upgrader, entre guillemets, enfin voilà, la faire monter de niveau pour qu'elle puisse devenir une vraie super-héroïne. Elle va faire sa Dora l'exploratrice, quoi. Sac à dos, c'est ça. Bon. Ouais. Voilà, ça m'emballe pas. Moi non plus. Voilà, les dessins sont du pop. Moi, voilà. Pourtant, c'est Raphaël Albuquerque, mais là, c'est. Ouais, je... non. Ouais. Puis j'aime toujours pas le nouveau design de Supergirl, de Batgirl. Mm. C'est toujours le design de Infinity Two. Et... C'est ça. Bof. Le petit ovni, il est là. Ouais. Neo Superman. Superman, super avec un tiré au milieu. Scénarisé, alors c'est peut-être le problème de la série, c'est que ça va être scénarisé par Jin Wen Yang, qui est le scénariste actuel de Superman et qui. Tout me plaît. Dessiné par Victor Bogdanovich, qui visiblement n'est pas très rapide, puisqu'ils ont été juste capables de nous montrer une de nez. Donc bon, je sais pas s'il va tenir les délais. Bon, c'est mensuel, heureusement, mais voilà. On va suivre un personnage qui s'appelle Kenji Kong, qui est un jeune chinois qui va recevoir les pouvoirs de Superman. Et ses pouvoirs ne vont pas affecter que son corps, ils vont aussi affecter son cœur, son âme. Voilà, c'est ce que Yang a mis en avant. Mais c'est très chinois. Mais c'est intriguant. D'où il va avoir ses pouvoirs ? Comment il va faire pour les avoir ? Est-ce qu'il va les avoir de ce fameux Superman dont je vous parlais, qui aurait peut-être perdu ses pouvoirs ? Est-ce que c'est lui qui va en hériter, du coup ? Mais c'est plutôt bien pensé. Je crois qu'il s'est dans le panel, donc je crois que ça devait être l'auteur qui expliquait que pour lui, plus que Superman, c'est avant tout un symbole, il disait en anglais an ideal. En gros, il voit pas pourquoi ça pourrait pas être quelqu'un d'autre que Clark Kent, et il veut mettre ça en avant. Je pense qu'il veut avant tout, j'espère qu'il veut se concentrer sur l'aspect symbole, tout ce que ça représente. Mm. Et surtout le fait que ça se passe en Chine et tout l'aspect un petit peu mystique qui est lié à ce pays asiatique. Voilà quoi, la question ça va être de mettre en avant une espèce de jeune homme au cœur vertueux probablement qui va recevoir les pouvoirs de Superman, on sait pas trop comment. Mais... pouvoir qui risque de corrompre un peu son âme aussi. Ouais. Après voilà, moi je vous dis c'est Jin Wen Yang qui scénarise, moi ces promesses j'y crois pas quoi. Enfin, clairement, le mec il nous a promis, il nous avait annoncé à grand renfort de com quand il a pris en main le titre Superman il y a un an qu'il allait nous aborder des choses plus intimes, plus profondes et notamment ce que ça représente d'être un étranger aux États-Unis. Par le fait que Superman est un extraterrestre et que lui, de par ses origines forcément est un peu un étranger aux États-Unis et que voilà il voulait aussi parler de ça à travers ce titre-là, j'attends toujours quoi. Jamais il a abordé cette question. Bah ouais c'est bien, il a de bonnes intentions mais pour le moment j'y crois pas. Alors j'irai voir le numéro 1 parce que vraiment ça m'intrigue. Ouais, le run est quand même. Ne serait-ce de savoir d'où il va avoir ses pouvoirs. Ouais. Oui voilà. Ouais, ça c'est intéressant. Après le reste voilà. Série suivante. Allez, Léo, au pif. Une série pour laquelle on a quasiment rien, si ce n'est donc le nom des scénaristes, artistes, dates et. C'est vrai qu'on fait rien sur l'histoire, un mensuel sur les Titans. Ouais. Avec Nightwing en costume bleu, là aussi. Ah bah oui, hein. Ce qui est quand même plutôt cool. et mérite d'être souligné. Scénarisé donc par Dan Abnett et dessiné par Brad Booth, avec une sortie le 15 juillet. Le 15 juin pour le Juin, pardon. 15 juin pour le Rebirth, 27 juillet pour le Titans numéro 1. Voilà. Pourquoi si long entre les deux ? Parce que c'est une série mensuelle. Ah oui, d'accord. Et non pas bimensuelle. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait long, parce que du coup, il y a un mois. Ça va être long d'attendre un mois chez DC maintenant. Bon, avec tout ce qui a été annoncé avant, on a de quoi faire. C'est ça. On n'a rien sur l'histoire, effectivement. Il y en a peut-être quand même. Mais c'est beau. C'est plutôt beau. Mais c'est plutôt beau. Puis en plus, c'est plus les Teen Titans, c'est les Titans tout court. Les Titans tout court, parce qu'il y a cette différenciation désormais. Voilà, je pense que cette histoire, logiquement, devrait suivre, prendre la suite de la série Titans Hunt, qui a lieu en ce moment, qui est déjà scénarisée par Dan Abnett. Donc c'est pour ça c'est ce que j'ai lu. Ça sera la suite, et du coup, ces Titans là sont les anciens Teen Titans qui ont grandi, donc ils n'ont plus de raison d'avoir le mot Teen avant leur nom, et du coup, ça permet d'avoir une série avec les Titans qu'on a toujours connus, et puis on aura une nouvelle vague de Teen Titans, du coup. Sur renouvellement de génération. On arrive au mois d'août, Arnaud, et comme tu aimes ce personnage, vas-y. Ah, génial. C'est une nouvelle équipe que je n'attendais pas. C'est Batgirl and the Birds of Prey, le truc que tout le monde attendait. Scénarisé par deux sœurs, j'imagine. Ouais. Julie et Shona Benson, et dessiné par Claire Gros. Ouais. Alors, ses dessins sont affreux. Alors, attention, dans cette équipe, je crois que c'est des sœurs Benson qui viennent de The Undead, de CW. Elles ont son scénariste. Ouais, c'est ça. Ouais, il me semble qu'elles sont scénaristes sur The Undead. C'est celles qui viennent de The Undead. Ça a été dit durant le panel. Le début de The Undead est pas si mal. Non, c'est une série qui fait plutôt le buzz et qui a l'air d'être plutôt reconnue pour son bon scénario, au moins pour les deux premières saisons. Après la troisième, ça a l'air d'être plus compliqué, d'après ce que j'ai lu, mais... Mais les dessins, enfin, sont quand même assez affreux. Claire Rowe, elle va pas me marquer clairement par son... Ouais, ça me plaît moins. C'est pas engageant, ça, c'est presque agressif dans le... J'aime pas. C'est clair, c'est pas... Ouais, je sais pas, il y a un truc qui déconne dans ces deux covers. Là, ça fait assez brouillon encore. Bon, après, les designs sont d'Yannick Paquette, les deux autres planches qu'on voit, où il y a juste les designs des personnages. Donc, c'est plutôt les deux couvertures qui sont... Ouais, c'est bon. Et donc, le numéro Rebirth sortira le 20 juillet. Et comme c'est mensuel, le numéro 1 sortira le 24 août. Et donc, on suivra Huntress, Black Canary et Barbara Gordon, qui est Batgirl, qui seront confrontés au Snake Squad et aussi à une personne qui prétend être Oracle. Mm-hmm. C'est bon, ça. C'est le seul intérêt à cette série. C'est ça. Sinon, il n'y a rien de très emballant. C'est ça. Série suivante, la série Matt Ryan, The Hellblazer, scénarisée par Simon Oliver avec les dessins de Morita. Moraitat, je sais pas de quelle origine il est, je ne connais pas du tout ce dessinateur. The Hellblazer, oh belle faute sur le site. The Hellblazer, Rebirth numéro 1 le 20 juillet et le numéro 1 de la série le 3 août, ce sera une série mensuelle. L'histoire, Swamp Thing, Constantine, mission de sauvetage, Abby Arcane. Youpi! Voilà. Ouais, non. C'est un bon motif pour les deux de s'unir, effectivement. Après, ça m'a l'air. J'aime pas trop le dessin, j'aime pas trop la tête de Constantine. Il me fait trop l'acteur, quoi. Ah non, pas du tout, il ressemble pas à Matt Ryan du tout sur le dessin. Non. Ah non, mais je trouve qu'il y a une tête hyper bizarre. Il y a un problème de proportion entre la tête et le corps, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas le Constantine qu'on a l'habitude de voir. J'aime pas. Sa tête ressemble pas à ça d'habitude. Point, c'est pas beau, c'est tout. Série suivante, Clément. Red Hood and Outlaws, donc un mensuel. Bimensuel. Non, mensuel. Red Hood and Outlaws, c'est mensuel. Donc au scénariste on retrouve Scott Lobdell et en artiste Dexter Soy. Et donc est-ce que c'est Red Hood qui décide de recruter de nouveaux hors-la-loi pour former une sorte de Dark Trinity. Alors quand on voit le nom des deux hors-la-loi qui recrutent, les deux Outlaws. J'ai bugué un moment et donc d'ailleurs on les voit si vous voyez la couverture dans le viseur. Donc il va recruter Bizarro et Artemis des Amazones. Voilà. C'est quoi ça ? Donc c'est un trio quand même assez improbable. Voilà. Le problème c'est Scott Lobdell. Moi ça m'embête un peu, mais bon. Ah bon ? Ouais, j'aime pas. Enfin, moi ça m'attire pas du tout. ce qu'il a fait récemment, j'aime pas. Oui. Après, voir ces trois-là ensemble, qu'est-ce qui va les réunir? Enfin, je sais pas quelle idée va lui passer à Redwood dans la tête pour qu'il puisse aller chercher Artemis et Amazon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais Bizarro, quoi. Ouais, Bizarro, ouais. Bref. Alors, vous avez remarqué jusque-là... Ouais, je sais pas. Jusque-là, vous avez remarqué qu'il y avait un nom qui était absent, quand même. Ouais. On n'avait pas parlé de Scott Snyder, on disait, tiens... Est-ce qu'on est débarrassé? Non, on n'est pas débarrassé de Scott Snyder. Il a signé un contrat d'exclusivité avec l'éditeur. Il y a eu des précisions qui ont été apportées depuis, parce que du coup, tout de suite, qu'est-ce qu'on se dit? Merde. Et alors, son travail chez Image, Witches? Ouais. Alors, visiblement, quand on s'appelle Scott Snyder exclusivité, c'est pas la même chose que quand on s'appelle quelqu'un d'autre. Parce qu'il aura le droit de continuer Witches chez Image. D'accord. Voilà. Donc ils ont vraiment pas envie qu'il parte. Donc ils l'ont, ils l'ont verrouillé chez DC pour le mainstream, mais ce qu'il a déjà commencé, il peut le continuer. Mais après, c'est le droit de lancer une autre série. Je suis pas, je sais pas si le contrat précise ça, mais s'il lance une autre série, il sera plutôt chez Vertigo. Du coup. Avec lui au dessin, un casting all-star, John Romita Jr., Sean Murphy, Jock. Oh là là. Il y en a un autre qui a confirmé sur Twitter qu'il participerait aussi, c'est Declan Chalvet. Ah ouais. Bah voilà, on met autour de Scott Snyder, voilà, c'est ce panthéon de dessinateurs assez incroyable pour une série All-Star Batman bimensuelle en continuité avec le reste de l'univers DC. C'est-à-dire que ça veut dire que Scott Snyder va devoir s'accorder avec d'autres personnages, d'autres personnes. Ouh là là. Son ego va pas aimer. C'est ça. Il va se centrer lui sur les super vilains. Il a dit que ce qui intéressait maintenant, c'est de parler des vilains et que il va aller un peu hors de Gotham. Batman va l'emmener hors de Gotham. Il va commencer avec Two-Face pour la première histoire. S'il veut être nouvelles intros pour Two-Face. Et là où on voit que Scott Snyder reste quand même Scott Snyder, c'est quand il dit qu'il va proposer une histoire autour de nouveaux vilains et qu'il nous annonce de nouveaux designs et de nouvelles introductions pour certains d'entre eux. Mais Two-Face, Gleason et Thomas Hill l'ont fait il n'y a pas si longtemps dans. Bah, il est surtout mort, Two-Face. Ah oui, exact. Ouais. C'est vrai. Mais oui. Dans New 52, Two-Face est mort. Ah oui, c'est vrai. C'est Mais comme on revient à une espèce de continuité entre les deux qui efface plus ou moins plein de choses. Ah oui, c'est vrai. Il va revenir. Donc il y aura une nouvelle introduction. Mais c'est dommage parce que l'intro de Thomas T était plutôt bien. Bah, l'histoire de Thomas T sur Two-Face, c'était bien. Après, voilà. Quand il dit nouveaux designs et nouvelles introductions, est-ce que ça sous-entend qu'il va encore nous faire ses versions à lui des origines et que voilà. Oh, sûrement. Sachant que c'est en continuité, il va falloir s'en accommoder, quoi. Bref. Prochaine série. Avant de la découvrir, j'avais envie de dire, je m'en fous. Ouais, moi aussi. J'ai pas lu et avant que tu en parles, j'ai envie de dire, je m'en fous. Voilà. A priori, Léo, tu t'en fous aussi. Oui. C'est Cyborg, on s'en fout, enfin clairement, on en a rien à foutre, enfin voilà. Mais plus Cyborg en bimensuel, bordel. Scénariste John Semper, que je connais pas. Artiste Will Conrad et Paul Pelletier qu'on a vu sur Aquaman, qui est plutôt trouvé Arnaud, toi qui lis. Il était dans les derniers numéros, enfin celui d'après Geoff Jones. Oui, il a travaillé un peu avec Geoff Jones, je crois. Ouais, je me souviens un peu. Parce que j'ai continué un petit peu après Geoff Jones, mais c'était tellement devenu mauvais après que je suis parti. Donc John Semper, c'est quelqu'un qui vient de l'animation, qui a travaillé notamment sur la série Spider-Man The Animated Series dans les années... il y a longtemps, 90. Donc il va prendre les rênes de cette série, et il veut explorer plusieurs idées, et c'est là où je me suis dit, ah bon, quand même. La première idée, c'est que l'humanité est de plus en plus liée à la technologie, où on se dit, ouais, ok, c'est bon, vu et revu, de manière pratique, mais aussi de manière biologique, avec l'intervention de la technologie jusque dans notre corps. Et du coup, il va devenir difficile de différencier ce qui va être de l'humain ou du technologique. Et ce problème-là, lui, il appelle The Singularity. Et donc, ça va être le titre de son histoire. Et il va se baser vraiment sur le fait que Cyborg, lui, il vit cette singularité. Ben voilà, c'est la nature même du personnage, cette singularité de ne plus différencier ce qui est de l'humain et de la technologie. Et en dehors de ça, il va aussi se poser la question de la frontière entre où s'arrête l'âme de l'homme et comment serait une espèce d'âme de la machine. Ouais, il parle loin. Et Cyborg, il va se retrouver du coup dans des lieux assez sombres. Et comme s'il n'avait pas assez de questions à poser, il va également essayer d'explorer la question du challenge que représente le fait d'être un homme noir à Détroit. D'accord, pas mal de choses. Pas mal de choses. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Si c'est bien fait. Ça fait beaucoup, mais à la rigueur... C'est peut-être les deux ou trois questions qui m'intéressent le plus sur Cyborg plutôt que de le voir vivre des aventures à la con. Moi Oui, aussi. non, c'est clair, c'est ambitieux. Maintenant, clairement, c'est ambitieux et si c'est bien fait, ça peut être vraiment du Ça très peut très être bon. intéressant. Après, c'est bimensuel, donc j'irai pas. Moi non plus. Ouais. Je vais pas aller me taper à acheter 2 singles Cyborg par mois. Ah, tu vas pas aller Il y a grand-chose plein chez DC. voilà. Ben, malheureusement, si, je veux dire plein de choses chez DC, ça m'emmerde, mais voilà. Heureusement que ça passe Beaucoup à 30 dollars. dans Mais ce clairement, Cyborg, voilà, va. Non, pas en bimensuel. Si DC Urban nous sort des petits hors-série kiosques ou quelque chose comme ça, voilà, pourquoi pas, mais là, non. La prochaine, c'est Harley Quinn, j'ai envie de passer dessus parce que. On s'en fout. Il n'y a pas de changement. Enfin C'est voilà, ça. Jimmy Palmiotti, Amanda Connor, voilà, ils sont partis pour un nouveau numéro 1 au 3 août, voilà, bon. J'ai fait plein de fautes dans cet article, c'est une horreur. Voilà, bon. Première Pareil. image et comme tu Bah, dis. rien de pas, pas de changement. En plus, ils le disent eux-mêmes, il n'y aura pas de changement, pas de Oui, voilà, conséquences. ils continuent, Pas de ce qu'ils ont rebirth. commencé. Bon, pourquoi pas. Prochaine série, allez, ça va être à la mode avec le cinéma. Bah oui. Suicide Squad. Allez, bah tiens, Léo. Scénarisé par Rob Williams, dessiné par Jim Lee et Philippe Tan. Pas de date encore, mais. On sait que c'est en août, mais on sait pas quand. Et Jim Lee et Philippe Tan ont donné deux, trois légères indications. Philippe Tan aurait déclaré donc a déclaré que c'était un livre qui parlait d'espoir et de rédemption. Ce à quoi Jim Lee a ajouté que c'était bizarre puisqu'on parlait de super vilains. Et quel super vilain, puisque enfin, on aura Killer Croc, Harley Quinn, Deadshot, Katana, Boomerang, enfin, les Ah bah dis classiques. donc, Et quelques... ils seraient pas tous au cinéma dans le film, ceux-là. Pas du Voilà. Il sort tout. en août en plus. Oui, en Voilà, plus. en plus, histoire de coïncider un chouïa avec la sortie cinéma d'un film extrêmement attendu. Mais il y aura quelques autres que DC ne souhaite pas annoncer pour le moment. Voilà, bah c'est les autres du film, hein, dont ils ont pas donné le nom. Joker. Voilà, probablement. Et puis, bon, à voir pour le reste. En tout cas, pour l'instant, ça fait très teasing par rapport au film. Reste à Par contre, savoir la couverture si. de Philippe Tan, elle est super belle. Ouais. La couverture est belle, ouais. La couverture est belle. Mais il reste à savoir maintenant s'ils vont un petit peu faire quelque chose qui soit pas que à la botte de la sortie de la sortie cinéma, quoi. Et Après, c'est plutôt intelligent. Ils le sortent le même mois, c'est les mêmes personnages, c'est Ah Jim Lee qui va dessiner. Ah voilà. Là, ils surfent dessus et c'est pas con. oui. Mais moi, si ça te fait, de toute façon, j'aime pas, Non. donc je vais pas les lire. Hein. Tout comme la série Non, Deathstroke. non. Ouais, la mèche. La Jolie blague. transition. Qui a envie de lire Dessiné, ça? scénarisé par Christopher Priest, qui a fait des bonnes choses, hein, lui par le passé. Dessiné par Carlo Pagulayan, Hector Vitorin et Felipe Watanabe. Numéro Rebirth le 10 août, numéro 1 le 24 août. Bah oui, parce qu'en plus cette série est bimensuelle. Ah, Oui, tout le monde s'en bah oui, fout. Deathstroke mérite une série bimensuelle, Bah, évidemment. c'est ça, c'est Évidemment, c'est un personnage tellement intéressant. Vous remarquerez que c'est une femme. Ah ouais? Ou Ah alors, bon? il a des sacrés pecs. Ah oui. Oui, c'est Ah vrai. ouais. Mais ils C'est avaient clair. dit qu'ils voulaient annoncer une Lady Bah, Deathstroke, je de crois. Lady Deathstroke, oui, enfin, Pete Deathstroke, je crois, a une fille dans les dernières histoires. Donc, Superwoman, maintenant, scénarisé par Phil Jimenez et dessiné par Phil Jimenez et Emanuela Lupacchino. On a juste un dessin pour le moment, qui est un crayonné, bon. Et on ne sait rien, à part que ça sera un tout nouveau personnage. Bon. Quelqu'un qu'on connaît pas. Une introduction dans l'univers DC. C'est pas mal d'avoir un peu d'introduction de temps en temps. Faut un petit peu quand même. Un petit peu. Est-ce qu'on s'en fout pas? Et la prochaine, c'est en septembre, c'est Trinity. Trinity avec bah, forcément Superman, Wonder Woman et Batman. Francis Manapul au scénario et au dessin. Et Clayman au dessin aussi. Numéro Rebirth le 10 août, numéro 1 le 21 septembre. Et c'est un mensuel, ce qui est hyper surprenant pour une série qui s'appelle Trinity. C'est ça. Oui, c'est clair. Peut-être envoyer quelque chose de... Après Manapul au dessin, est-ce qu'il est capable de tenir du bimensuel? Je suis pas sûr. Donc... Moi non plus. Déjà quand on met Clayman avec lui, c'est pas pour rien, je pense. De toute manière, enfin, scénariste et dessin en même temps, c'est rarement... C'est compliqué. Ouais. C'est ça. Pas d'infos pour le moment, donc on va passer à la suite. Et la suite, c'est le deuxième What Ouais, ça c'est l'un des the gros what the fuck et c'était et les réactions dans le chat du panel étaient assez Eh ben vas-y, tiens, ça m'évitera de parler toujours quand on parle de Supergirl, que ce soit moi qui le fasse. Donc au scénariste, on connaît quelqu'un on On trouve connaît quelqu'un. quelqu'un, oui. Non, on trouve quelqu'un. Je connais plein de gens. Ouais, on trouve quelqu'un qu'on connaît bien puisque c'était lui qui était à l'origine du magnifique titre Midnighter. Eh ouais. Donc Steven Orlando écrira Supergirl et Rien que pour ça, j'ai envie de le lire, quoi. ouais, non, mais moi aussi, Ça quoi. Et m'emmerde. au dessin. où on va retrouver Brian Ching. Et donc, voilà. Supergirl Rebirth 1 sortira le 17 août et Supergirl 1 sortira le 7 septembre. Et alors, le truc le plus what the fuck, l'un des trucs le plus what the fuck, sera, outre le fait qu'on va retourner dans les histoires classiques à la Supergirl, le proche de Superman, pour montrer que Supergirl est bien différente de Superman, et ben, c'est que... je vais y arriver. Supergirl, donc Kara Zor-El, c'est ça ? Ouais, Kara, ouais. Et ben, et la fille de The Cyborg Superman. Quoi ? Voilà ! Donc elle va à fond. La première histoire s'intitule Cyborg Superman et elle va mettre l'héroïne ouais, face au Cyborg Superman qui s'avérera être Zor-El, son père. Normal. Il valait peut-être mieux l'annoncer maintenant, histoire d'éviter une vague de crise cardiaque quand le truc sortira. C'est certainement. Bah, disons que pour te faire envie et te donner envie d'aller voir, il n'y a pas mieux. Parce que là, du coup, tout le monde veut savoir comment ils vont amener ça. Mais ouais. C'est, je crois que c'est effectivement c'est l'un des trucs les plus what the fuck qui a été annoncé. Voilà. Orlando nous a précisé que ça serait aussi l'occasion pour elle de retourner sur Krypton, mais que ça risque de devenir rapidement son pire cauchemar. Bah, honnêtement, moi je vois les dessins. J'aime beaucoup, il y a quelque chose. J'aime pas ces visages, les visages un peu trop carrés. Ah, franchement, je trouve ça plutôt. J'aime bien le style. C'est pas moche, mais. Je me dis, ça peut vraiment être sympa. Et puis, j'ai envie de voir ce que Steven Orlando, qui m'a complètement conquis sur Midnighter, est capable de faire sur Supérieur. Ah, c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est du mensuel, ça engage moins déjà qu'un titre bimensuel. Pourquoi pas. Ouais, non, franchement, ça peut être. Très prometteur et le titre après, moi, m'intéresse aussi. Une fois qu'on aura fini toute la longue liste des séries et on y est bientôt, on fera un petit top de ce qu'on a vraiment envie de découvrir ou pas. Mais clairement, la prochaine, moi, c'en est une. Ouais, moi super, aussi. Super Sons, ouais. Une série mensuelle. On n'a pas l'équipe créative. On a par contre une cover. Trop bien. Plutôt super cool. Ouais, trop cool. On sait juste, là, c'est Geoff Jones qui nous l'a dit, que cette série, c'est Son of Batman meets Son of Superman. Alors ça, voilà. Avec Damian Wayne. Donc on aura Damian Wayne et Jonathan Kent. Jonathan White, puisque c'est le nom qu'il a pris pour garder un peu d'anonymat. C'est un nouveau personnage ? Ah non, ça fait super longtemps qu'il existe. C'est le fils de Clark et de Lois. Bien avant New 52. D'accord, je savais pas. Donc les voir les deux, voilà. Ouais, ça va être intéressant. Comment ils vont réussir à cohabiter ? On connaît le caractère de Damian. Ah oui, ça c'est pas qu'un peu. On connaît son caractère, il va se retrouver face au fils de Superman, donc qui est quand même... Donc il a des pouvoirs aussi. Qui a quand même toutes les chances d'être super puissant, oui. Donc voilà, moi les voir les deux ensemble, bah ouais. Moi j'ai envie quoi, j'adore Damian Wayne, et il a sa fierté, c'est un personnage qui a énormément d'ego et qui a un caractère très affirmé. Et donc, je me dis, face au fils de Superman, ça... Non, John est un personnage, en plus, plutôt intéressant, surtout quand il est bien écrit. Jonathan. Je sais pas, je l'ai jamais lu, mais je t'avoue que j'ai... Enfin, rien que le concept fils de Superman et fils de Batman dans la même équipe, j'ai franchement envie de... Ça peut donner des... Non, franchement, c'est... Ça peut être super intéressant. Ça peut être vraiment sympa, quoi. Pourquoi pas. Si les bonnes conditions qu'on ne nous serve pas du BVS avec les gamins, quoi. soit ça m'intéresse pas. Puis je sais pas, j'aime bien son espèce de petit planeur, là, je sais pas quoi, là, Damien, là, sur le dessin. J'ai du mal à reconnaître Damien sur le dessin. Ah bah après, oui, il est un peu version plus... Il est plus cartoon qu'autre chose. Hein. Ouais, c'est très cartoon. Quand tu vois la tête de Superman, on dirait plutôt Superwoman. Ah ouais, non, derrière, c'est une tête hyper iconique, mais vieille, quoi. Un peu... Ouais. Avec les cheveux, là... Avec la petite mèche et tout. Non, ouais, c'est cool. Voilà, c'est cool autant que Justice League of America, dont on ne sait rien. Alors, on a vu ni visuel, ni artiste, rien. On ne sait rien sur cette série. Ça arrive le 14 septembre et on n'a rien vu à part le logo. Et il y en a une autre qu'on entend bas les reins. Ah non. Blue Beetle par Keith Giffen et Scott Collins. Je ne m'en bats pas les reins parce que c'est le retour de Ted Kord. Ouais. Oui, non. Ah bah ouais, mais faut connaître l'univers pré-New 52 et voilà. Ouais. Et là, pour le coup, quand on parle de retour à l'héritage, annoncer cette série en disant juste c'est Jamie Reyes qui travaille avec Ted Kord, son mentor, voilà, t'enflammes le public et c'est clairement ce qui s'est passé en plus. L'accueil a été hyper positif avec cette phrase et du coup, ouais, pourquoi pas. C'est allez, pas la prochaine. C'est cool, Mathieu, j'imagine. Comment ce n'est pas aussi cool que ce qui est annoncé là en octobre. Pour le mois d'octobre, prochain mensuel. Bah écoute, vas-y. Oui. C'est-à-dire que, bon, un petit mensuel Batman Beyond, scénarisé par Dan Jurgens et illustré par Bernard Chang, numéro Rebirth le 28 septembre, le numéro 1 Batman Beyond, pas encore daté. A priori en octobre, parce que c'est un mensuel. Voilà, très probablement. Mais une phrase pour teaser et pour rendre tout ça très sympathique, c'est que, selon Geoff Jones, et sous les vivas du public, c'est le retour de Terry McGinnis. Oui. Mais c'était qui alors? Il pas lui sur le costume. Et bah là, c'est lui, là, sur le. Non, mais c'était avant. Bah c'est Tim Drake. Ah bon? Ah bah oui, c'est vrai. Ça a été annoncé à la fin du New 52. Mais oui, le Batman Beyond, c'est Tim Drake depuis le DCU. Ah, je savais pas. Oui. Ah bah si. Ah ouais, bah Terry McGinnis. Moi, je vous dis que Tim Drake, c'est une des victimes du mais non, DCU. Mais pourquoi ils l'ont mis? Mais non. Non, c'est très bien, là. Retour de. Ah, Terry McGinnis, quoi. Voilà, donc le retour de Terry McGinnis, c'est cool. Et voilà, et Geoff Jones, on voit tout l'art de la communication, ils ont annoncé en fin de séquence, en fin de panel, ils ont annoncé les séries sur lesquelles on avait le moins d'infos, et ils finissent entre autres en disant « Blue Beetle, c'est Jamie Reyes qui travaille avec Ted Kord, donc ouais, tout, voilà. » Et derrière, ils t'annoncent « Batman Beyond, Terry McGinnis is back. » Ah bah voilà, là ils finissent. Tout le monde. Ouais, et les réactions dans la salle et, voilà. Et sur le chat étaient vraiment. Ah, il y a dernière série pour terminer parce que. Alors là, moi j'aime beaucoup le speech. Bah vas-y. Donc, on avait parlé du titre Titans, et donc Mathieu l'avait très bien dit que ce serait Titans parce qu'on n'aurait pas. Ils sont plus jeunes. Et on a quand même un titre Teen Titans, donc. Il y aura Ben Percy. Et au dessin, John Boy Meyers. Et donc, on aura Teen Titans Rebirth 1 qui sortira le 21 septembre. Et Teen Titans 1 qui n'a pas été encore daté. Et alors, on sait juste une chose, des dires de John Jones. Et alors, moi, honnêtement, j'imagine tellement le truc et ça colle tellement au personnage. Donc, c'est John Jones qui, pour expliquer le concept du titre, a dit « Damian Wayne décide qu'il prend les rênes des Teen Titans, mais personne ne veut lui. Donc, c'est Robin versus Titans. » Voilà, bah pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas, à condition que ça, encore une fois, que vis-à-vis de Super Sons, ça soit pas redondant et qu'on n'ait pas une opposition avec Jonathan. Il y aura pas Jonathan. Non mais dans Super Sons, moi j'ai pas envie de voir Damian Wayne se prendre la tête avec les Titans et se prendre la tête dans l'autre série avec Jonathan. Ah ouais. Voilà. Ouais mais après, moi ça m'étonne pas. Moi je trouve ça plutôt logique par rapport. Alors, au début il va se prendre la tête avec eux, mais. Il va se prendre la tête avec eux. Voilà, on a terminé. Enfin, on a été un peu long, j'avoue. Mais voilà, ça méritait quand même qu'on prenne le temps. C'est une grosse annonce de cette année, de ce début d'année, le nouveau DC. Maintenant qu'on a tout ça, on a juste, voilà, juste pour précision, Earth 2 et Gotham Academy Next Semester ne sont pas annulés. Ils en ont pas parlé juste parce que pour eux, c'est juste la poursuite de ce qui se fait actuellement et que ça fait pas vraiment partie de l'initiative. Ouais. Voilà. Puis il y a peut-être plus le temps aussi. Hein. En même temps. On a tout dit. On a tout dit en long, en large et en travers. Vous avez l'article récap sur comicsoriez.fr avec les visuels et tout ce qu'il vous faut. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de suivre? J'ai envie de commencer par Léo, parce que Léo, c'est le moins lecteur, j'ai envie de dire, de nous. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont motivé à dire, ah bah tiens, j'ai bien envie de me lancer dans l'univers d'ici avec telle ou telle série, parce que ce qu'on en a dit, voilà, ça me... Bah, là, en repartant sur ce qui a été annoncé, et parce que je suis fan du héros, moi ce qui m'intéresse le plus concrètement c'est le bimensuel Flash, avec cette idée de nouveau speedster, une vague de speed force, etc. Et que c'est jamais aussi, enfin Flash n'est jamais aussi intéressant que quand c'est vraiment lié à la speed force et à toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'entourage de Flash, ce qui avait été le cas avec le Flash Rebirth par Geoff Jones là, il y a quelques années, qui m'avait plutôt plu. Et là ils repartent sur ça. Bon, c'est pas Geoff Jones, mais moi c'est ce qui me botte le plus dans tout ça, en tout cas. Ok, Arnaud, toi? Alors pas forcément une seule, hein. S'il y en a plein, il y en a plein, hein. T'as le droit Il y en a plein. Pareil, Flash, pour tout ce que vient de dire Léo, l'idée qu'il y ait plusieurs speedsters, dont le méchant Godspeed, qui a déjà l'air énorme. Bien sûr, Detective Comics pour revoir Batman et Tim Drake. Sinon, quoi d'autre? Bah, Nightwing, parce que j'aime beaucoup le personnage, donc forcément, j'aime ça aussi. Titans aussi, parce que c'est intéressant de voir le concept de ces jeunes titans qui sont devenus maintenant adultes, et à qui on, mis un petit peu de côté par rapport à d'autres grands super-héros de l'univers comme Batman, on les met encore un petit peu à part, hein. Puis bien sûr de ce qui est Dan Abnett aussi. Quoi d'autre sinon après All-Star Batman, forcément, je trouve les visuels magnifiques. Quoi d'autre Super Sons, pour ce qu'on a dit, ça a l'air super intéressant de voir s'affronter, faire équipe en tout cas entre Damien et Jonathan, que je ne connais pas en plus, donc ce sera l'occasion de découvrir ce personnage. Batman Beyond, parce que c'est un personnage que j'adore depuis sa création dans le dessin animé. Les Teen Titans, ça peut être sympa aussi. Je suis pas super attiré pour l'instant, j'attends de voir ce qu'il peut être plus que Robin contre Titan. Mais il y a pas mal de titres comme ça qui m'intéressent. Et toi, Clément ? Moi, forcément, The Flash. C'est clairement l'une des grosses curiosités. Superman, parce que c'est Gleeson et parce que c'est Tomasi. Donc, c'est un duo qui m'a vendu du rêve pendant 4 ans. Mine de rien. Pas loin, ouais, près de 4 ans. Donc, j'ai jamais été déçu par eux, même si forcément ils avaient des petits coups pas terribles. All-Star Batman, parce que bon, il y a du gros nom et que je suis curieux de voir. Parce que les autres titres Batman, le Batman de Tom King, ça m'intéresse pas trop. Et Action et Detective Comics, ouais, sans plus. J'aimerais bien quand même découvrir. Enfin, je suis curieux de voir ce que ça peut être New Superman. Parce que voilà, j'aime bien le concept. Et quoi d'autre? Peut-être Trinity encore, surtout après Super Sons, Supergirl, du coup, parce que je suis très curieux. Et Teen Titans, parce que j'ai envie de voir Damian Wayne en faire, faire son Damian Wayne, quoi. Mm-hmm. Pas mal de titres. Ouais, pas autant que moi. Moi, je suis super content parce que je vais pouvoir relire du Superman. Ouais. Et ça, voilà. Et en plus, le relire avec, comme on le voit là, dans la série Superman, Lois and Clark, voilà. Donc, la série Superman, Action Comics, voilà. Je vais pouvoir relire du Batman. C'est cool. Donc, évidemment, j'ai hâte de voir ce que va nous proposer Tom King. Parce que, du coup, ce qu'il propose sur Grayson, moi, ça me plaît. Sur Vision, tout ce qu'il fait en ce moment, c'est très bon. Donc, sur Batman, c'est une espèce de consécration pour lui. Et je pense pas qu'il va se rater. Puis, un ancien de la CIA qui prend un titre avec le plus grand détective du monde. Voilà, quoi. Je vais pouvoir relire du Wonder Woman. Ça me manquait un peu depuis le départ d'Arjarello et Chang, donc voilà, Greg Rucka qui revient, hein, voilà. Donc, la Trinité va retrouver vraiment ses lettres de noblesse pour moi, et je vais me relancer. Évidemment, The Flash aussi. Les Lanternes, j'attendrai la sortie en VF, parce que... Moi, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse, mais voilà. Nightwing, évidemment. Les Teen Titans, Teen Titans, ouais, aussi. All-Star Batman, clairement pas. Ouais. Non, je dirais non. Si... Je regarderai les previews, j'aurai des beaux dessins et c'est tout, quoi. Enfin, j'en ai rien à battre. Moi, je vois Scott Snyder qui annonce des nouvelles introductions. Non. T'es vraiment allergique à Scott Snyder. Non. Ça me fait une économie d'un titre bimensuel en plus. Hein. Batman Beyond et Blue Beetle parce que retour à l'ancien et voilà. Voilà, forcément. Les Super Sons, Super Girl, enfin, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Du coup, je ne sais pas comment je vais faire. Moi non. Les TP peut-être. Et voilà, on va peut-être prendre juste 2 secondes quand même pour parler du problème que va avoir Urban. Oui. Parce que moi, je pense aussi à eux là maintenant où je me dis comment ils vont faire avec la plupart des séries en bimensuel pour nous proposer les titres en kiosque. Ouais. Ça va être compliqué. Il va falloir faire plus de kiosques. Ça va être... Ils ont pas le choix, là. Ils peuvent pas se contenter d'un Justice League saga, d'un Batman saga et d'un Superman saga. C'est impossible, avec des titres bimensuels tout partout. Ça veut dire aussi augmentation du rythme des titres en librairie. Enfin, ça veut dire plein de choses pour Urban. Ça va être le bordel. Il y aura beaucoup de séries qui ne sortiront pas en kiosque. Peut-être, mais du coup, on risque d'y perdre. Parce que rien que si on regarde ce qui sort actuellement, Batman, Flash, Superman, Wonder Woman, Action et Détective... Ça, ils le sortent tout en kiosque. Justice League, ils le sortent en kiosque. Ils sortent Grayson, donc a priori Nightwing, pourquoi pas. Batgirl, ils le sortent aussi. C'est que des titres bimensuels. Oui. Déjà, Detective Comics, ça ne sortira plus dans les kiosques, puisque ce sera des séries à part. Je pense qu'ils ne le mettront plus dans les kiosques. Je suis pas sûr. Hein. En plus, avec ce qui est annoncé, des titres un peu collectifs et tout, je suis pas sûr que ça soit pas dedans. Je pense que ça va être un joyeux bordel. Donc moi j'ai hâte de savoir comment Urban a l'intention de publier ça. Et en plus, DC Rebirth, DC Renaissance, donc. Ouais, voilà, comment ils vont appeler leur gamme aussi. Voilà, je. Est-ce qu'on peut attendre un panel à la PCO où ils vont nous expliquer ça? Je suis pas sûr parce que les séries n'ont pas commencé. Ouais. Déjà s'engager sur qu'est-ce qu'on va publier, comment, c'est un peu juste. Oui, parce qu'ils attendent de voir aussi la qualité, la réception. Ou alors ils ont plus d'infos déjà et du coup, peut-être qu'ils sont capables d'en dire un peu plus. Mais voilà, je pense que ça va être une des grosses questions qui va leur être posée pendant les mois à venir sur la page Facebook. Et moi, je guette vraiment leurs annonces sur la publication. Donc, plutôt pas une annonce à la Comic-Con. Ouais. Ce sera plus tard dans l'année, donc ils auront ça sera plus trop d'infos. Tard. Ça sera trop tard, on sera à un mois ou deux de sortir des magazines, ça sera déjà annoncé. Ouais, on verra, mais après, ce qui sera aussi intéressant, clairement, au niveau de la VO, ça va être de voir l'impact de ce prêt unique. Parce que là, c'est complètement... En termes de chiffre de vente, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant, parce que là, ils font en fait tout ce que Marvel ne fait pas. En termes de chiffre de vente, d'équipe créative plutôt qualitative... Et puis, on en parlera peut-être là, on a quoi, je sais plus combien on avait dit, 48 titres, un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Quant à Marvel qui va te proposer plus du double par mois avec des comics. Qui sont c'était mon coup de gueule de juste 4, après. 5 dollars. Sachez qu'en juin, je vais peut-être du coup en profiter pour Dire maintenant. Oui, en juin, Marvel a sollicité 114 singles. Donc 114 putains de singles au mois de juin. C'est trop. Il n'y en a même pas un ou enfin je suis pas sûr qu'on ait un à 3$ quoi. Ouais non. Alors, surtout, ça va complètement n'importe quoi. Hiérarchiser l'importance de certains, il y en a qui vont avoir plus de visibilité que d'autres, il y en a qui vont passer complètement la trappe. Enfin, c'est trop. C'est trop quoi. Puis c'est drôle parce que enfin Mathieu en avait déjà parlé, mais j'ai regardé hier le documentaire Marvel Renaissance. Mmh. Et ce nombre exponentiel de comics, ça m'a fait un peu penser. Avec des prix qui augmentent en plus. À mettre des prix qui augmentent en plus, mettre la dose de comics inonder le marché, et ils vont peut-être oublier ce qui s'est passé en 96. Voilà, c'est un coup de gueule récurrent que je pousse contre Marvel depuis plusieurs années. Mais là, ça commence vraiment. C'est n'importe quoi. 114, quoi. 114, sachant que maintenant la norme chez Marvel, c'est 4$ le comics. Sachant que tu as la dose de vie mensuelle. 4, il y en a même pas mal qui sont à 5$ dans la liste. Enfin, c'est n'importe quoi. Et honnêtement, j'aimerais bien, j'espère qu'ils vont se prendre, qu'il va avoir un effet 2,99 quoi. Puis comme tu l'avais dit, avec leur coup d'essayer de troller DC en mettant, je sais plus. Il y a Timely Comics ce soir. Ouais, c'est ça. Timely Comics, c'est n'importe quoi. Et Marvel. Marvel a la confiance parce que c'est vrai qu'il domine le marché, mais moi je pense qu'au bout d'un moment ils vont se taper un retour de bâton. Je pense qu'avec le DCU, DC va revenir bien fort dans le classement et du coup va être intéressant de voir si ça dure plus longtemps que les New 52 ou pas. Parce que c'est ça qui est intéressant quoi. En fait, on est exactement là ce qui fait Marvel, on est exactement dans la même situation qu'en 96. DC était en perte de vitesse, Marvel avait à peu près 30 à 40% de part de marché. Et ils ont préféré multiplier le nombre de titres en augmentant le nombre pour faire plus de chiffres. Et le marché s'est cassé la gueule, quoi. Et on est exactement à peu près dans la même configuration. On y va tout droit, là. On y va tout droit. Voilà. Juste dernière petite chose avant de se quitter. Clément. Ouais. Dans Justice League 50. Oui. Ça risque de partager. Ça risque de partager. Moi, je suis. Quand ils ont annoncé ça, je suis. Enfin, c'est hyper. Moi, je suis contre. Je suis pas super favorable. J'ai pas vu ce que c'était, moi. Eh ben, ça a été annoncé lors du panel que lors du Justice League numéro 50, le nom du Joker sera révélé. Quoi ? Voilà. Je suis contre aussi. Je suis loin d'être. Je vois pas l'intérêt. Et je trouve que ce qui fait justement l'intérêt du Joker, c'est qu'on sache pas son identité. Enfin, c'est bête, mais ça fait partie du personnage. Je vois pas. Moi ça me plaît pas non plus. C'est juste j'espère qu'il va y avoir un twist et au final on ne saura rien du tout. Non, je suis pas sûr. Mais en même temps, c'est pas con. C'est pas con parce qu'ils vont le faire dans Justice League 50, qui va être un titre pré-Rebirth. Donc ça veut dire que dans ce nouvel univers Rebirth, on s'en fout que ce sera pas le même. C'est pas faux. Oui, mais quand même, Oui, mais voilà, ils pourront toujours désamorcer le truc en se basant sur ce que je viens de vous dire. Moi, je suis pas d'accord non plus, ça me plaît pas non plus, c'est clair, mais je vois déjà la porte de sortie. Mais ils peuvent aussi se baser probablement sur le fait que Burton lui a donné un nom dans son film. Ouais, mais Burton n'a jamais lu ou lu un comics, alors. C'était n'importe quoi. Voilà, aussi. Un autre. Non, et puis surtout, enfin, je veux dire, le Joker, c'est vraiment un connard qui a connu un jour de merde, quoi. C'est ce qu'il a toujours dit. C'est, oui, voilà. C'est le texte, it's just one bad day. Et enfin, c'est ça. C'est parce que ça le c'est rend, qui peut être n'importe qui. Voilà, ouais. C'est son comme dans Gotham, Léo. On est d'accord. C'est ça. C'est ça. Gotham, on a très bien joué d'ailleurs. C'est Jérôme. Je ne dis pas ça. Gotham en a joué. Si dans Justice League 50, il s'appelle Jérôme, moi je l'ai dit. Moi je dis, on peut rigoler. Et on encadre ce numéro. À ce moment-là, on l'achète tous et on encadre. Et on fait single de l'année. Allez, on fait signer à David Mazrous. Et on fait dédicacer par Arnaud et on l'envoie au gros compte. J'envoie à la Fox. Voilà, merci, allez, on va arrêter avec ce mag extra over mega size. DC Rebirth, on le savait, hein, ça allait nous faire parler. Bah, c'est ce qui est arrivé, mais à rigueur, tant mieux, parce que c'est vraiment. Voilà. Pour une fois que les comics nous donnent envie de parler et nous emballent, bordel, ça change. Voilà. Hein les prochains rendez-vous, jeudi, Comic Stories numéro 200. Soit un peu spécial qu'on va vous diffuser donc jeudi à la place du sur nos écrans du spot habituel de sur nos écrans voilà émission explicite extra explicite content hein, je l'ai réécouté pour le montage c'est il y a des phrases je me suis dit ah non tu peux pas laisser ça finalement je vais tout laisser je m'en fous donc ça promet voilà en tout cas moi j'ai beaucoup rigolé en la réécoutant donc j'espère que ça sera aussi le cas pour vous j'ai rajouté plein de petites surprises au montage donc ouais faut qu'on l'écoute aussi je pense voilà, donc je vous laisse voilà. Et puis le deuxième gros morceau de la semaine ce sera le débrief de Batman v Superman qui va arriver en fin de semaine dans le week-end je ne sais pas encore donc notre débrief du film la fameuse guerre nucléaire dont je vous parlais au début de cette émission c'est pour la fin de semaine elle n'est pas encore enregistrée, elle ne sera pas encore enregistrée à l'heure où vous allez écouter ce mag, donc vous pouvez toujours continuer à aller voter sur comicstories.fr pour donner votre avis sur le film, qui va de une honte à le film dont je rêvais, ou même je m'en tamponne si vous voulez, vous avez le droit de répondre ça, il n'y a pas de problème. Voilà, continuez à y répondre, c'est pas mal, on voit que le film suscite des réactions, parce que vous êtes plus que sur les autres questions de la semaine habituelles à avoir répondu, on a quelques commentaires aussi des deux côtés sur l'article, et c'est très très très très tendu au niveau des chiffres, des réponses, je vais pas les dévoiler maintenant, je vais les garder pour le podcast, mais voilà, la réponse qui domine, pour le moment, c'est pas une réponse neutre, clairement. Ça peut pas être neutre à mon avis. Sûr, c'est de la vie négative. Et c'est très équilibré. Hein. Entre les cumuls positifs, cumuls négatifs, là ouais, tout de suite, on est à 52-48. Ah ouais. Sur les chiffres actuels, voilà. Donc c'est très très tendu. Même, c'est pas qu'il y a pas qu'entre nous dans le débat, à mon avis, où ça risque d'être tendu. Il y a aussi, on voit là vraiment la. Le grand écart des avis aussi chez les lecteurs, auditeurs de nos podcasts. Voilà. Allez, on se retrouve jeudi pour Comic Stories 200, ce week-end pour BVS, et d'ici là, évidemment, bon comics et bon film. À bientôt. Salut. Salut.